À sa sortie, l'ancien chef de l'État, lui, accepte seulement d'évoquer, je cite, le rendez-vous du cœur avec ses anciens collaborateurs, un moment forcément excellent. Mais en prenant soin d'entretenir ses réseaux, en gardant le silence pour donner plus de force à sa parole, un jour prochain, Jacques Chirac fait de la politique, tout comme lorsqu'il s'offre un mini bain de foule avant de rejoindre sa voiture, comme un clin d'œil malicieux à Nicolas Sarkozy, dont la popularité reste en berne. Reportage Ludovic Faux.